Kenji Girac, Gims, Claudio Capeo, Aya Nakamura, M. Pokora, Kin V. British Connection, l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Salut British Connection, je suis François-Xavier Goudemont et je suis l'auteur du livre Oh My Rock, un livre qui s'adresse aux fans de rock et de toutes ses déclinaisons musicales, d'ailleurs de la plus douce à la plus hard, d'hier et d'aujourd'hui. Oh My Rock, c'est un livre qui parle des origines des noms de 101 groupes de musique et qui vous propose également à chaque fois une anecdote insolite pour chaque groupe. Le plus innovant de ce livre, c'est de proposer l'interactivité au travers d'un QR code. En effet, il vous suffit simplement de passer votre smartphone sur chaque page du livre pour découvrir la musique, pour découvrir ce que peut être le style musical de chaque groupe, du plus doux donc au plus hard, puisque la liste est très très longue, hein. On parle d'AC/DC, Duncan Jones, Genesis, Gojira, Ghost, Iron Maiden, Volbeat, The Cure, The Police, The Who, Rammstein ou encore des groupes plus récents comme Chaka Punk par exemple, et puis jusqu'à les mythiques ZZ Top. Alors dans le cadre de cette carte blanche, on m'a demandé de relater un certain nombre d'anecdotes. La liste est, comme je vous l'ai dit, très très longue. Je vais commencer par un groupe anglais, un groupe véritablement mythique qui s'appelle Judas Priest. Ce groupe n'est pas inconnu, bien entendu, pour toutes celles et ceux qui aiment le rock. Judas Priest, eh bien, son origine est relativement simple. Son nom provient de la chanson de Bob Dylan qui s'appelle The Ballad of Frankie Lee and Judas Priest, et en définitive le groupe a repris Judas Priest issu de cette chanson. Pour rappel, c'est un groupe britannique qui a été fondé en 1969 par le guitariste Keke Doing et le bassiste Ian Hill. C'est vrai que le groupe est incarné par le très charismatique chanteur Rob Halford, connu de tous et qui est d'ailleurs reconnu par sa tessiture impressionnante, ses cris aigus et ses vêtements de cuir, sans parler de ses arrivées sur scène, notamment à moto. Ce groupe, Judas Priest, est désigné véritablement comme Metal God, puisqu'il s'agit d'un groupe de métal. Rappelons d'ailleurs que ce groupe est aussi très connu pour ses propositions de performances scéniques très hautes en pyrotechnie. Par rapport d'ailleurs à ce groupe, rappelons que il a un certain nombre d'anecdotes, bien entendu, et si on doit en choisir une, eh bien je dirais que dans la série « Je viens filer un coup de main aux copains », on pourrait se dire, mais saviez-vous que Rob Halford a aussi été le chanteur de Black Sabbath seulement durant 3 concerts. Les deux premiers, en définitive, c'était en 1992 quand Ronnie James Dio n'a pas pu officier. Et donc Rob Halford est arrivé à la rescousse et donc lui, connaissant tout le répertoire des Black Sabbath, a pris place. En 1992, donc, 2 concerts, puis un autre concert, Rebelote, en 2004, le 25 août pour être très précis. Ozzy Osbourne, le très charismatique aussi Ozzy Osbourne, était atteint d'une bronchite. Et Rob Halford est venu dans le New Jersey à l'occasion du Ozfest, d'ailleurs c'était quand même un comble, pour remplacer ce bon Ozzy. Je vous propose d'ailleurs un petit extrait de la carrière de Judas Priest au travers d'un titre incontournable de Judas Priest qui s'appelle Electric Eyes. British Connection, enfin l'émission rock qui passe ce qu'on n'entend pas sur les radios rock. Alors on pose la question parfois, comment et pourquoi en définitive ce livre? Ce livre en définitive est venu aussi dans la continuité d'un livre précédent que j'avais écrit en 2020, qui s'appelle Branding Rockstar, la marque est une rockstar et inversement, puisque je suis brand expert et spécialiste des noms de marque, mais ma grande passion c'est le rock. Et à la fin de ce livre, j'avais indiqué une petite quarantaine d'origines de noms de groupes et je me suis dit, tiens, on a un intérêt aujourd'hui des lecteurs autour de ce thème et je vais en faire un livre. Et comme j'avais toute la matière première et c'est ma grande passion, je me suis dit, allons-y, et j'ai intitulé donc ce livre Oh My Rock. Oh My Rock, qui est donc le livre qui parle des origines de 101 noms de groupes de musique. D'ailleurs, si on doit citer un deuxième exemple, je pourrais citer un groupe assez récent qui s'appelle les Arctic Monkeys. Alors je dis assez récent, mais attention, c'est quand même un groupe qui est en vogue depuis les années 2010-2020, mais qui a quand même été créé il y a presque 20 ans maintenant, puisqu'il a été créé en 2002. En définitive, le groupe doit son nom à Jamie Cook, le guitariste du groupe. Et quand on demande d'ailleurs à Alex Turner, le chanteur d'Arctic Monkey, d'où vient l'idée, l'artiste est bien incapable de répondre. Il a d'ailleurs cité dans une interview en disant « Je n'ai aucune idée d'où ça vient, c'est la faute de Jamie, il est venu avec ce nom, il nous a jamais dit pourquoi, il garde le secret comme il dirait pour lui, mais en définitive c'est surtout que le batteur est arrivé avec ce nom en se disant on va s'appeler comme ça et le nom du groupe est resté. Arctic Monkeys, faut quand même juste rappeler que c'est un de ces groupes anglais qui a émergé aussi grâce à Internet, puisque en définitive, il y a à peine 20 ans, ils explosent justement avec quelques-unes de leurs chansons qui sont téléchargeables sur une simple page MySpace. Et puis en définitive, le bouche à oreille fait tout le reste grâce au net. Et puis derrière, ils se hissent directement avec leur premier single à la première place des classements des charts britanniques dès la sortie. Bon, le résultat est complètement onirique, puisque en fait, ils vont jusqu'à d'ailleurs remporter en 2006 le Mercury Prize et puis le prix de la révélation britannique au Brit Award. Arctic Monkeys, c'est un peu le groupe des années 2010-2020 qui a véritablement explosé aux yeux du monde. Et pour la peine, je vous propose d'écouter le titre des Arctic Monkeys qui est cher à mon cœur, qui s'appelle Rue Mind. I'm a puppet on a string, Tracy Island, time traveling diamond, could a sheep heartache to come to find you for in some velvet morning. Years too late, she's a silver lining, Lone Ranger riding through an open space in my mind. When she's not right there beside me, I go crazy, cause here is where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory. All I wanna ever say is, are you mine? Well, are you mine? Are you mine? Are you mine? Oh, I guess what I'm trying to say is I need the deep and keep imagining meeting, wished away entire lifetimes unfair. We're not somewhere misbehaving for days, great escape, lost track of time and space. She's a silver lining climbing on my desire, and I go crazy, cause here isn't where I wanna be, and satisfaction feels like a distant memory, and I can't help myself. Says, are you mine? Well, are you mine? Are you mine? Are you mine? She's a silver lining, lone ranger riding through an open space. In my mind when she's not right there beside me, I go crazy, cause here is where I wanna be. And satisfaction feels like I'm just a memory. And I can't help myself, alright. All I ever say is, are you mine? Well, are you mine? Rock, New Wave, Technopop, Indus, Indé, Alternative, Punk, Rock Anglais, Gothique, c'est British Connection. Nous sommes dans la troisième partie de cette carte blanche British Connection et nous continuons avec les origines de certains groupes. Alors bien entendu, on pourrait parler des groupes très très connus comme l'origine... de Dire Straits qui d'ailleurs au passage littéralement veut dire en anglais dans la dèche sans un rond. Pourquoi? Parce que ce nom Dire Straits fait référence au début du groupe ou l'époque où Mark Knopfler et ses camarades devaient faire face à des difficultés financières en jouant dans des pubs à Londres et des festivals punk. Mais en définitive, c'est vrai que ce groupe qui a déjà vendu plus de 140 millions d'albums aujourd'hui n'est plus forcément à connaître. Moi, ce qui m'intéresse justement dans ce livre Oh My Rock, c'est de vous faire découvrir un certain nombre de groupes connus, certes, mais dont on ne connaît pas forcément toujours les origines. C'est le cas d'un groupe notamment américain qui s'appelle Avenged Sevenfold. Alors, Avenged Sevenfold, rappelons quand même au passage que c'est un groupe relativement récent, même si l'année de formation est de 1999 déjà. Alors Avenged Sevenfold, c'est la vengeance des sept croix, hein. C'est un groupe dit de metalcore, rock, heavy metal américain, qui est plus connu d'ailleurs sous le nom de A7X. Cette formation est notamment aussi composée de gens qui se sont attribués des noms pour le moins bibliques. Par exemple Mr. Shadow au chant, Sinister Gate et Zaki Vengeance aux guitares, The Reverence, alors paix à son âme, hein, c'était le tout premier batteur, hein, The Rev, ou alors encore Johnny Christ à la basse. On note aussi que ce groupe a fait appel au célèbre batteur Mike Portnoy il y a quelques années de cela, notamment, où on retrouve un titre comme Nightmare. Ce groupe, il faut savoir qu'il a ce côté aussi très fort, et on les retrouvera l'année prochaine d'ailleurs au Hellfest. Ils seront tête d'affiche en 2022, mais ils ont fait appel dernièrement à un nouveau batteur, notamment ancien batteur de Suicidal Tendency ou encore de Bad Religion. En l'occurrence c'est Brooks Wackerman, qui est un fabuleux batteur, et c'est aussi pour cela que je vous invite à écouter non moins ce titre célèbre qui s'appelle Bad Country, qui est un titre très très très très rythmé. Juste au passage, et enfin pour terminer cette dernière carte blanche avant l'écoute de ce morceau, je tiens vraiment à remercier Philippe de chez British Connection de m'avoir offert cette carte blanche. Et en exclusivité, je vous annonce la suite du Oh My Rock. Un Oh My Rock qui va être un Oh My Rock Collector qui sortira fin octobre. Donc idéal pour la fin de l'année et pour faire des cadeaux sympas. Ce Oh My Rock Collector proposera un contenu enrichi avec de très très nombreux lives. Plus de 50 lives qui seront disponibles via smartphone, donc vous pourrez en plus regarder les concerts en live, il y a beaucoup de surprises, et une dizaine de groupes, et non des moindres, avec par exemple In Excess ou Halloween, qui vont faire leur entrée au sein de ce livre. Bonne écoute à tous, et je vous dis à très très vite, merci encore, et c'était François-Xavier Goudemont, auteur du livre Oh My Rock, les origines de 101 noms de groupes de musique. Monte le son, c'est British Connection. attraction. My confidence is leaving me on my own. No one can save me, and you know I don't want the attention. François-Xavier Goudman, on te retrouvera début d'année prochaine, en 2022. Tu nous parleras de ton Oh My Rock volume 2. British Connection, l'émission rock, vous propose l'album de la semaine. Découvrez trois titres d'un groupe que les autres radios ne prennent pas le temps d'écouter. Deuxième partie de l'album de la semaine, je le rappelle, c'est leur premier album. Et il s'appelle les 22 for Silicon Alone, l'album Only Park Matters. Plenty of Time to Die, c'est un peu la face B de In Every Terms. À la base, Plenty of Time to Die devait être In Every Terms. Et j'ai composé plein de versions jusqu'à ce que je trouve vraiment celle qui me plaise. On avait déjà enregistré en première session Plenty of Time to Die. Et c'est vraiment en dernière minute qu'on a décidé de le mettre sur l'album. Et de fait, cette chanson est intimement liée à In Every Terms. C'est un peu son jumeau maléfique. We'll be right back. nowhere. By ship, by plane, by camel, by coke and by wine. Promise kept, 1 minute at a time. No one in particular. So slow, plenty of time to die and live again. 1,000 dreams. Connection avec vous depuis 1982. You rock. La première heure de British Connection se termine. On se retrouve dans un instant pour la seconde avec Rémi, son micro jaune. Il y aura une bonne série de rock français, ça c'est terrible, la série live avec XTC Police, et on retrouvera Amar des Frelons pour son choix ska régal de la semaine. À tout de suite les amis.